me donne pas une chance de te cacher. Me donne pas une chance de te cacher. C'est jamais le bon moment pour en parler. Mais si je le fais pas maintenant, y'aura peut-être même pas d'après. Notre couple est en train de sombrer, je sais même pas si t'as remarqué. Ou si t'as baissé les bras, si t'as juste abandonné. Notre amour était pur, était parfait. Depuis quand est-ce qu'on est incapable de s'en parler? La routine nous a eu, le stress nous a achevé. J'ai jamais su rompre. J'ai toujours laissé les relations pourrir. Tuer l'amour, le voir mourir. Je crois que mon paradis s'effondre. Est-ce qu'on a épuisé tous les sujets de discussion? Perdu toute imagination? Est-ce qu'on était juste une illusion? Depuis quand t'as ce truc dans les yeux qui me fait sentir comme une merde? Depuis quand tout ce que je dis est si nul que tu dois dire le contraire? Tu dis ça pour m'énerver mais tu t'énerves quand je m'énerve. C'est de ma faute, j'sais pas, tu m'esquives quand je veux parler des problèmes. Rends-moi celle que j'aime. Rends-moi celle qui sait. Celle qui sourit, celle qui me soutient, celle qui m'aide. Rends-moi celle que j'aime. L'intelligence même, celle avec du recul, rends-moi celle que j'aime. Reprends celle qui tend des pièges. Reprends l'alcoolique avec les cernes. Rends ma femme, reprends sa mère. Reprends la réalité, rends-moi mes rêves. Reprends celle qui passe pas une seule soirée sans qu'elle se plaigne. Celle qui souffle, celle qui boude, celle qui lève les yeux vers le ciel. Reprends la meuf hautaine, rends-moi ma femme, rends-moi ma reine. Rends la paix, reprends la guerre, rends l'avenir, rends-moi mes rêves. Reprends les vieilles rancœurs qui traînent. Reprends la fille que j'exaspère. Qui passe pas une seule soirée sans qu'elle se plaigne. La meuf hautaine. Prends la meuf qui souffle, qui boude, qui lève les yeux vers le ciel. Prends la nuit, rends la lumière avant que la flamme s'éteigne. La seule étincelle, c'est la phrase qui vient gâcher le week-end. Est-ce qu'on supporte plus qu'on s'aime? C'est pour ça que tu bois toute la semaine. Soit je rentre tard, soit je fais semblant de dormir pour pas que tu fasses une scène. On s'embrouille pour de la merde. Je te dis d'éteindre ce putain de réveil. Tu fous la haine, je fous la haine. On est les fantômes de nous-mêmes. On se croise à peine, on se touche plus, on est parallèle. Est-ce qu'on veut juste plus jamais ken? C'est quoi l'amour sans jamais le faire? Est-ce qu'on se laisse baiser par le stress, baiser par la fatigue et la flemme? T'as plus jamais l'intention d'être belle et je fais plus d'efforts pour te plaire. Depuis quand c'est plus la peine de se dire je t'aime? Dis-moi ce qu'il faudrait que je comprenne. Parle-moi, je suis pas dans ta tête, putain. J'ai jamais envisagé qu'on se quitte. Mais j'envisage encore moins une putain de guerre froide toute ma vie. Je te jure. Regarde l'avenir, regarde le mur. Je veux juste savoir si on a moins de passé que de futur. Je veux juste faire le point. Voir si on a atteint le point de rupture. Chérie, chérie, dis-moi ce qu'on est devenu. Rien n'a changé à part quelques années de plus. Ça va pas bien se passer, du moins pas comme prévu. Tant qu'on s'en parle, on pourra jamais faire, je te jure. Nous contre le monde. Ça sera nous contre le monde.